France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Cap à l'est, vers l'Himalaya et le pays des neiges, le toit du monde, le Tibet. Avec la première femme occidentale à avoir pu entrer dans la ville tibétaine de Lhasa, Alexandra David-Nel. C'était en 1924, son voyage dans la cité interdite, mystérieuse, inconnue alors du reste du monde. En 1954, 30 ans après cet exploit, l'aventurière nous raconte ce pays tel qu'elle l'a vécu. Sur la radio-télévision française Chaîne Nationale, série d'entretiens avec Michel Manol en 9 épisodes dans l'émission « Le Tibet tel que je l'ai vu », où il parle des différents aspects de la vie tibétaine, la société, la religion, la place des femmes, la littérature. À écouter tout de suite, première émission diffusée le 27 décembre 1954 et deuxième émission diffusée le 3 janvier 1955. Depuis 1950, commençait l'invasion militaire du Tibet par la Chine. Écoutons Alexandra David-Nel nous raconter ce Tibet tel qu'elle l'a vu, tel qu'elle le voit, tel qu'elle le comprend alors. Le Tibet tel que je l'ai vu. Michel Manol interroge Alexandra David-Nel. Montage radiophonique, Harold Portnoy. Je trouve Madame Alexandra David-Nel dans une propriété campagnarde qu'elle a achetée pendant un de ses courts séjours en France entre les deux guerres, 2 hectares, à flanc de montagne dans les Alpes. Non loin de Manosque. Et la pièce dans laquelle j'ai été introduit ne ressemble à rien de ce que l'on peut s'attendre à rencontrer dans nos pays. Elle tient à la fois de l'oratoire et du musée. Et j'aperçois des Bouddhas en posture de méditation qui mettent dans la pièce une indicible atmosphère de sérénité. J'aperçois aussi de grands masques aux physionomies démoniaques qui sont suspendus à la hauteur du plafond, d'où ils semblent prêts à se précipiter sur le visiteur qui s'est aventuré à leur portée. Et il y a là aussi des tableaux tibétains et une quantité d'objets servant au culte lamaïque. Voici justement Madame Alexandra David-Nel qui vient d'entrer et nous allons lui demander des explications. Des explications? Eh bien, je vous en donnerai plus tard. Mais vous m'avez dit que vous étiez venu pour me parler du Tibet, de l'envahissement du Tibet. Eh bien, parlons-en. Oui, évidemment. L'envahissement du Tibet par les troupes chinoises a attiré l'attention sur ce pays dont on ne s'occupait guère en Occident. Alors, vous êtes particulièrement qualifié pour nous en parler. Voici tout d'abord ce que je dois vous dire. L'on s'est beaucoup mépris en Europe, et certainement aussi en Amérique, sur ce qui s'est passé au Tibet et sur ce qui s'y passe actuellement. Les journaux nous ont annoncé l'invasion du Tibet par les Chinois. Et ce terme « invasion » a tout de suite suscité des idées de populations fuyantes en proie à la terreur, des idées de massacre, et que sais-je. En tout cas, ces invasions ont évoqué l'idée d'une catastrophe. Eh bien, il n'y a eu aucune catastrophe. Ce qui s'est passé au Tibet Mais ce n'est que la répétition d'événements du même genre qui se sont produits maintes et maintes fois depuis que cette immense étendue de territoire que nous appelons Tibet a commencé à être habitée. Les rapports des Tibétains avec les Chinois sont de date très ancienne. Des relations existaient entre les Tibétains et les Chinois bien avant Jésus-Christ. Et depuis, jamais les Tibétains n'ont cessé d'être, d'une manière ou d'une autre, en relation avec les Chinois. Mais quel genre de relations entretenaient-ils ? Les Tibétains étaient-ils les vassaux des Chinois ou bien leurs rapports avec les Chinois étaient-ils amicaux et étaient-ils d'ordre commercial ? Eh bien, il y a eu de tout cela, tantôt alternativement et tantôt simultanément. Mais il y a aussi un autre genre de relation. L'antagonisme des intérêts amène aussi les individus et les peuples à s'occuper les uns des autres. On ne se rapproche pas toujours pour s'embrasser. On se rapproche aussi pour se battre. Et c'est le cas des guerres. Tibétains et Chinois ont connu beaucoup de ce dernier genre de rapport. Mais quelle était la cause de ces guerres ? Eh bien, la cause de toutes les guerres, le désir de s'emparer de ce qui appartient aux voisins. Et qui furent les vainqueurs ? Les Tibétains furent la plupart du temps vaincus. Cependant, la chose tourna quelquefois de leur côté, et vers le 7e et 8e siècle, de puissantes hordes tibétaines battirent les Chinois et s'emparèrent des postes frontières. Ces garnisons frontières étaient stationnées le long de la ligne qui forme actuellement la frontière entre les provinces de Kansu, de Xinjiang et du Qinghai. Qinghai, qui signifie en chinois la mer verte, est le nom que les Chinois donnent à la grande région des hauts alpages qui entourent le grand lac bleu. L'altitude y varie entre 3500 et 5200 mètres. J'y ai longuement séjourné en différentes époques. Ah, le bon air qu'on y respire! Une véritable invasion suivit cette brise des frontières, mais alors nous pouvons vraiment parler d'invasion. Les Tibétains étaient environ 200 000. Ils arrivèrent jusqu'au cœur même de la Chine. Ils s'emparèrent de la capitale impériale qui était alors Nanchang, et la ville s'appelle aujourd'hui Xi'an. Elle est le chef-lieu de la province de Shaanxi, une belle grande ville, j'y ai habitué. Les Tibétains massacrèrent alors toute la population de Chang'an. Ils pillèrent la ville et l'incendièrent. Et cela se passait vers l'an 763. Mais les Tibétains ne se sont jamais établis dans les territoires qu'ils ont envahis. Après avoir détruit Chang'an et ravagé toute la région, ils se retirèrent. Mais même avant cette époque, au 7e siècle, d'autres hordes tibétaines avaient d'un côté envahi la région du Pamir et de l'autre, elles avaient atteint la frontière de la Perse. Mais bientôt, il ne resta plus rien de ces conquêtes. Il n'en reste même pas le souvenir. Les Tibétains n'ont pas de chronique pareille à celles qui, depuis des siècles, sont tenues très consciencieusement par les Chinois. Leurs livres d'histoire se bornent presque uniquement à relater des faits touchant la propagation des doctrines religieuses et aussi aux luttes des différentes sectes entre elles. Les différentes sectes, dites-vous, étaient-elles toutes des sectes bouddhistes ? La plupart étaient bouddhistes de nom, moins de nom. Mais il restait encore au Tibet des sectateurs de l'ancienne religion du pays, c'est-à-dire les Pun. Il en reste encore. Ils sont en bien des points analogues aux taoïstes chinois. Et si cela vous intéresse, nous pourrons en parler un jour ou l'autre. Mais les sectes ne se combattaient pas pour des questions de doctrine. L'enjeu des luttes, c'était la suprématie temporelle. Mais même avant que les sectes se fissent la guerre, ce furent les différentes tribus tibétaines qui se battirent les unes contre les autres. Et les Tibétains ne forment donc pas une seule nation ? Oh, il en est loin. Au temps où le roi Tsongtsen-Gampo régnait à Lhasa, aux environs de 850, on comptait une centaine de différentes tribus tibétaines. Il n'y a jamais eu de véritable nation tibétaine homogène. Actuellement, les Tibétains restent encore très attachés au particularisme régional. Ils sont Upa, les gens du centre, avec Lhasa pour capitale. Ils sont Tsongkhpa, les gens de Tsang, avec Jigatse pour capitale. Puis, il y a les gens du Tibet oriental, les Khampa. Oh, ceux-là sont de type très différent des Upa et des Tsangpa. On les dit être les ancêtres des Indiens d'Amérique. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des popas, des lopas, des tsarompas dans les régions chaudes. Car il y a des régions chaudes au Tibet, vous ne vous en doutez peut-être pas. Il y a des régions où l'on trouve des orchidées en fleurs au mois de janvier. Et puis encore, il y a les demi-chinois du Tibet septentrional. Et c'est précisément à ces demi-chinois qu'appartient le présent Dalai Lama, et le Panchen Lama aussi. Le gouvernement de Lhasa n'a jamais régné que nominalement sur l'ensemble du Tibet. J'ai vu les habitants du pays de Pau houspiller d'importance le gouverneur que l'autorité centrale prétendait leur imposer. Au Kham, les indigènes ont lutté contre les Chinois pour conserver leur indépendance, mais ils repoussaient tout autant l'idée d'être dominés par Lhasa. Et ces divisions expliquent dans une certaine mesure pourquoi les Tibétains n'ont pas pu profiter de leurs victoires anciennes et pourquoi, dans les temps modernes, ils ont été constamment ballottés entre les Anglais et les Chinois. Mais les luttes les plus terribles entre Chinois et Tibétains se sont passées dans cette merveilleuse région des immenses solitudes herbeuses qui s'étendent autour du Grand Lac Bleu. Cette solitude comprend encore une vingtaine d'autres lacs aux eaux couleur d'azur. Et là, les têtes des vaincus sont tombées par milliers. On éprouve une singulière sensation à évoquer ces scènes d'horreur dans ce cadre de pays de contes de fées et que l'on dit être encore hanté par des fées et par des génies. Ne me demandez pas si j'en ai rencontré. Ça, c'est un secret. Celui qui est favorisé par eux jusqu'à les voir visiter son camp parmi les hautes solitudes conclut un pacte de silence. Je pense que les quelques ermites qui vivent dans ce pays doivent y contempler de bien étranges visions. Mais il est rare qu'il en fasse part à autrui. Mais des ermites, il y a donc encore des ermites au Tibet? J'aimerais que vous nous en disiez quelque chose. Mais oui, il y a des ermites au Tibet. Il y a même un bon nombre d'ermites, eu égard à la faible population du pays. Il y a des ermites de différents genres. Certains vivent dans des cavernes qui ont été aménagées pour servir d'habitation. D'autres construisent des maisonnettes, généralement composées de deux pièces minuscules. Une cellule où l'ermite vit et une cuisine où il conserve ses provisions. Il y a enfin des lamas érudits qui s'installent très confortablement avec leur bibliothèque, leurs serviteurs, dans une maison située très à l'écart et très haut sur le versant d'une montagne. Les ermites du Tsinké habitent la montagne de la mer. La montagne de la mer, que voulez-vous dire? Le Tibet n'a pas de côte, il n'y a pas de mer au Tibet. Ah, ce nom ne désigne pas l'océan. La montagne de la mer se dresse au milieu du Grand Lac Bleu, du Kukunor, comme on l'appelle sur les cartes. Kukunor, c'est son nom mongol. Les Tibétains l'appellent le Tsunyunpo, ce qui veut dire exactement la même chose, lac bleu. Le lac bleu est situé à 3250 mètres d'altitude. Sa circonférence est de plus de 2000 km. Notez ici que de Paris à Marseille, la voie ferrée n'a environ que 800 km. Et cela vous donnera une idée de la grandeur du lac. Plusieurs îles émergent de ce lac. La montagne de la mer est la plus grande. Elle se dresse presque à pic hors de l'eau. Et c'est cette montagne qui est percée de grottes, c'est là que les ermites ont choisi pour mener une vie contemplative. Le lac est considéré comme une divinité. Il est interdit d'y naviguer en bateau. Du moins, il en était ainsi jusque tout récemment. Il est certain que les Chinois ne respecteront pas cette superstition. Ils ne se gêneront pas pour aller pêcher sur le lac dont le poisson est excellent. Les ermites du lac ne pouvaient être ravitaillés que pendant l'hiver, alors que la glace atteint 2 mètres d'épaisseur et que l'on pouvait se rendre à l'île en traîneau. Pendant le reste de l'année, ils étaient entièrement séparés du monde. Quelle bienheureuse solitude! Et croyez-vous vraiment que l'on puisse être heureux en étant complètement séparé du monde? Ce régime-là est pire que celui des chartreux. Et j'ai goûté quelque chose de cela, car j'ai vécu en ermite, sur le dernier versant des Himalayas. J'habitais une caverne à 3900 mètres d'altitude. On me ravitaillait, non pas une fois seulement par an comme les ermites, mais 2 fois. Au printemps, quand ma provision d'hiver touchait à sa fin, et en automne, lorsqu'on me fournissait de ma provision d'hiver. parce que les vallées qui s'étendaient au-dessous de mon ermitage étaient entièrement bloquées par la neige pendant la moitié de l'année. Il est possible qu'il y avait déjà des ermites sur la montagne de la mer, au temps des grands massacres qui eurent lieu dans cette région. Que pouvait-il en penser? Mais que pensons-nous nous-mêmes des bien plus grands massacres qui ont eu lieu pendant les deux dernières grandes guerres auxquelles nous avons assisté? Me parler d'invasion. Mais cette fois, une invasion, le terme invasion peut être très bien appliqué à la campagne qui amena les troupes britanniques à Lhassa en 1904. La raison donnée officiellement à cette agression était d'ordre commercial. Les Tibétains, disait-on, entravaient le négoce des marchands indiens qui étaient protégés par l'Angleterre. Mais la véritable raison était d'ordre politique. Le gouvernement des tsars russes cherchait à étendre son influence jusqu'à la frontière de l'Inde en la faisant progresser à travers le Tibet. Un érudit lama Buryat, c'est-à-dire un indigène tibérien de race mongole, avait été le précepteur du Dalai Lama. J'entends le 13e Dalai Lama, celui qui est mort en 1933. Le présent Dalai Lama est le 14e par ordre de succession. Ce lama Buryat se nommait Dordjiev, c'est-à-dire Dordji, et russifié pour en faire Dordjiev. Avec ce Dordjiev, nous voici arrivés à une page très curieuse de la lutte politique entre les Britanniques et les Russes au sujet du Tibet. Dordjiev était un agent politique tsariste. Il quitta le Tibet avant que l'expédition militaire britannique y pénètre en 1904. Dordjiev avait fait de fortes études à Dépont. Il y avait obtenu le degré de docteur en philosophie. Docteur en philosophie du plus haut rang, car il y a plusieurs rangs de doctorat. Il devint ensuite précepteur du Dalai Lama. Il est dit que ce fut grâce à la vigilance de ce Dordjiev que ce Dalai Lama, le 13e Ngawa Lobzon, échappa au sort funeste qui avait été celui de beaucoup de ses prédécesseurs. Et en effet, il était presque habituel que les Dalai Lama mourussent jeunes. Les régents qui gouvernaient pendant la minorité du Dalai Lama s'arrangeaient pour les faire disparaître afin de conserver toujours un mineur sur le trône de Lhassa. Et quoi qu'il en soit, le Dalai Lama témoignait une vive amitié à Dordjiev. Et celui-ci mit à profit l'ascendant qu'il avait sur son ancien élève pour servir les desseins du gouvernement russe. Il parvint à persuader le Dalai Lama que le tsar était très attiré vers les doctrines bouddhistes et que peut-être il se convertirait au bouddhisme. Dans tous les cas, le Tibet aurait en lui un protecteur puissant, capable de le défendre contre les attaques des Anglais venant de l'Inde. À cette époque, il était question que le Tibet envoyât un ambassadeur à la cour de Russie, tandis que la Russie enverrait un ambassadeur auprès du Dalai Lama. L'on disait même que cet ambassadeur serait un membre de la famille impériale. Un monastère lamaïste avait été construit à Saint-Pétersbourg, maintenant à Leningrad, et les soviets l'ont d'ailleurs laissé subsister. De superbes cadeaux furent aussi envoyés par les Russes au Dalai Lama. Et en quoi consistaient ces cadeaux? En avez-vous quelque idée? Ah, je n'en connais certainement pas le détail. Mais ce que je sais, c'est qu'un incident amusant se produisit à leur sujet. Eh bien, voulez-vous nous le raconter? Et voilà. Malgré les renseignements que Dordjiev avait pu fournir au gouvernement russe, celui-ci ne s'était pas formé une idée bien claire de ce qu'est un Dalai Lama, et non pas, surtout, de l'opinion que l'entourage du Dalai Lama et le Dalai Lama lui-même entretiennent quant à sa personne. Les Russes imaginaient le Dalai Lama comme le pape du bouddhisme, Il y a encore pas mal de gens dans nos pays qui conservent cette opinion, qui est d'ailleurs complètement fausse. Donc, parmi les cadeaux qu'il lui envoyait, les Russes crurent bien faire d'inclure un costume sacerdotal complet d'archevêque de l'Église orthodoxe. Un costume de cérémonie, s'entend, tout en drap d'or. Le Dalaï Lama se fit expliquer ce qui concernait les vêtements qu'on lui offrait, et quand on lui apprit qui les portait en Russie, il se jugea offensé. Mais comment osait-on l'assimiler à un prélat de l'Église russe? Les dignitaires de sa cour pensèrent comme lui. Un archevêque russe, mais ne venait même pas à la cheville d'un Dalaï Lama. Cependant, ni le Dalaï Lama ni ses ministres n'osèrent manifester ouvertement leur déplaisir. Ils craignaient les Anglais et espéraient qu'au besoin, le tsar russe les défendrait contre une agression possible, ainsi qu'on leur avait fait espérer. Mais je vous ai peut-être parlé tôt de ce Gordiev. Il paraît qu'il est redevenu d'actualité à cause d'un livre dans lequel, dit-on, un mystificateur qui s'appelait Gordiev s'est présenté ou a été présenté comme le précepteur du feu Dalaï Lama. Mais voilà les faits rétablis. On peut en trouver la confirmation dans le livre « Tibet Past et Present » de Sir Charles Bell, qui fut chargé d'affaires britanniques à Lhasa. Qu'advint-il de ce flirt entre Tibétains et Russes? Ah, voilà. Les Anglais considéraient d'un mauvais œil les relations de plus en plus étroites qui s'établissaient entre les Tibétains et les Russes. Ils jugèrent qu'il convenait d'y mettre un terme. Et c'est alors qu'ils décidèrent d'envoyer des troupes au Tibet. Est-ce que les Tibétains se conduisirent alors, comme l'on dit qu'ils se sont conduits envers les troupes communistes chinoises? Est-ce qu'ils laissèrent les troupes britanniques pénétrer dans leur pays sans chercher à s'opposer à leur avance? Et pas du tout. Tandis qu'ils ont laissé les Chinois entrer chez eux cette fois-ci, sans qu'un coup de fusil ait été tiré, ils tentèrent au contraire de repousser les Anglais, et ce fut lamentable. La plupart de ces benêts portaient sur leur poitrine des talismans qui leur avaient été donnés par des lamas, et qui, à ce qu'ils croyaient, empêcheraient les balles de les atteindre. Nous connaissons aussi, surtout en Italie et en Espagne, des médailles bénites qui doivent protéger les soldats qui les portent. Alors on imagine le résultat. Les Tibétains sont naturellement braves et leur bravoure était encore encouragée par la croyance qu'ils étaient invulnérables. Les premières salves des Indiens battirent immédiatement ceux qui leur barraient le passage et les troupes britanniques continuèrent leur avance. Elles firent sauter le fort de Paritzon et les Tibétains, qui s'étaient retranchés, furent en grande partie tués. Finalement, les Britanniques entrèrent à Lhasa, la sainte cité interdite, et leurs troupes paradèrent triomphalement dans la ville. Et que fit le Dalaï Lama quand ces étrangers entrèrent dans Lhasa, la ville sainte dont l'accès leur était si strictement interdit? Le prestige du Dalaï Lama a dû grandement souffrir de leur irruption armée, puisqu'il n'a pas eu le pouvoir d'arrêter ces profanateurs. Le Dalaï Lama n'avait pas attendu les troupes britanniques. Il avait fui en Chine. Ça lui paraissait plus sûr. Cela se passait en 1904. L'Empire chinois, aux mains des Mandchous, se mourait alors de décrépitude. On ne put rien faire pour le souverain fugitif, sinon lui accorder un asile confortable. Et il se rendit d'ailleurs absolument insupportable par ses prétentions imbéciles. Mais à Lhasa même, Lamban, c'est-à-dire le haut fonctionnaire représentant la Chine, accueillit les Anglais, donna un banquet en l'honneur des officiers des troupes d'invasion. Et cette fois, il s'agissait bien d'une véritable invasion. La Chine se tint tout à fait en dehors du conflit. Sans doute ne pouvait-elle pas faire autrement. Les Tibétains n'ont jamais oublié cet abandon des Chinois. Plus de 20 ans plus tard, tandis que j'étais à Lhasa, les Tibétains m'exprimaient encore leur ressentiment à cet égard. Alors les Britanniques, après avoir montré leur puissance, se retirèrent de Lhasa et du territoire tibétain. Mais depuis ce jour, ils le tinrent complètement sous leur domination. Qui ne cessaient de guerroyer à la frontière orientale du Tibet, envoyèrent, eux, une expédition à Lhassa. Le Dalai Lama s'enfuit de nouveau, mais cette fois, ce fut du côté des Anglais qu'il se réfugia. Ceux-ci lui assignèrent une résidence à Darjeeling, et puis ensuite il alla s'établir non loin de là, à Kalimpong. C'est là que je le rencontrai pour la première fois. Et cette entrevue marquait une époque dans ma vie de voyageuse. Car c'est elle qui fit naître en moi l'idée, qui ne m'était jamais venue jusque-là, de franchir les chaînes de l'Himalaya et de m'en aller voir au-delà ce qu'il y avait, c'est-à-dire de parcourir le Tibet. Mais ce n'est pas alors que j'allais à Lhassa. J'allais à Jigatse, chez le Panchen Lama. J'y fus l'hôte de sa mère et je nouai avec lui des relations amicales qui durèrent jusqu'à sa mort en 1937, tandis que j'étais en Chine. Or, le Panchen Lama appartenait au parti pro-chinois, tandis que le Dalai Lama était pro-anglais. Il y a toujours eu au Tibet une grande partie de la population, surtout de la province de Tsang, qui éprouve une très grande sympathie pour les Chinois. Quand le Dalai Lama revint de son exil volontaire dans l'Inde, il dirigea une répression féroce contre ceux qui, en son absence, avaient d'une façon ou d'une autre témoigné de la sympathie aux Chinois. Un très haut fonctionnaire fut précipité du haut des escaliers qui descendent du 10e étage du Potala. Le chef d'un grand monastère fut laissé mourir de faim. Sa personne était considérée comme trop sacrée pour qu'on osât le tuer. On se contenta de priver de nourriture. Les moines du monastère de ce grand lama eurent une faim plus terrible que celle de leur chef. Jour après jour, on les tirait de leur prison et on leur enfonçait des clous dans le corps. Le supplice dura jusqu'à ce que les victimes succombent. Voyez ce qu'il advient à ceux qui se mettent du côté des Chinois, disait-on à ceux qui pouvaient être tentés de sympathiser avec eux. Le sort du Dalai Lama donne lieu à de nouvelles manifestations de sauvagerie. Certains hauts personnages de son entourage accusèrent le grand lama officiel, le devin officiel, de l'avoir empoisonné. Ceci se passait maintenant après la mort de celui-ci en 1933. Ce sont des événements récents. Ce pauvre devin officiel fut exécuté. Aussi un favori du défunt qui avait fait des études en Angleterre et qui, accusé de complicité, à celui-là, on lui arrachait les yeux. La guerre continuait au Tibet oriental. Tantôt les Chinois avançaient, puis reculaient. Tantôt c'était le tour des Tibétains, à peu près comme ce qui s'est passé en Corée ou en Indochine. Et j'ai vu tout cela de près, cette grotesque, mais malheureusement très sanglante comédie. Puis le gouvernement de Lhassa s'avisa tout à coup d'expulser tous les Chinois qui se trouvaient encore au Tibet. Lors de ces derniers actes, les actes du gouvernement de Chiang, c'était bien avant les communistes, elle était d'affirmer ses prétentions sur le Tibet encore. Et les membres de la mission qu'il avait envoyée à Lhassa s'y attardaient encore lorsqu'on leur enjoignit de quitter le Tibet par la frontière sud, celle de l'Inde, la plus proche de Lhassa. Tous les commerçants chinois, même ceux qui étaient établis au Tibet depuis de nombreuses années furent aussi refoulés dans l'Inde. Le parti anti-chinois et nationaliste de Migo exultait. Nous avons chassé les Chinois, clamait-il. De l'Inde, où je me trouvais alors, je pouvais entendre l'écho de leur vociférations. Elles me faisaient rire. J'en avais déjà entendu de semblables lorsque, étant alors au Tibet en 1912, j'avais vu les troupes chinoises vaincues quitter le Tibet. Les Chinois reviennent toujours au Tibet, et cette fois encore. Le dernier des Chinois expulsés n'avait pas encore franchi la frontière méridionale du Tibet à Yatung que les troupes de Mao Tse-tung entraient au Tibet par l'est et par le nord. Un acte de plus venait d'être joué de la comédie séculaire qui se joue sur les hautes terres de l'Asie. Thank you. C'était le Tibet tel que je l'ai vu. Michel Manol a interrogé Alexandra David-Nel. Montage radiophonique, Harold Portnoy. Vous écoutez Le Tibet tel que je l'ai vu en 1954-1955 avec Alexandra David-Nel. Tout de suite, deuxième émission, diffusée le 3 janvier 1955. Tel que je l'ai vu. Michel Manol interroge Alexandra David-Nel. Montage radiophonique, Harold Portnoy. Voici donc les Chinois établis au Tibet, ou plutôt, comme vous me l'avez expliqué dans notre précédent entretien, voici qu'ils sont rentrés au Tibet, qu'ils s'y sont rétablis. J'aimerais savoir quel genre de gouvernement ils ont trouvé devant eux. Le gouvernement du Tibet est une théocratie, n'est-ce pas? C'est du moins l'opinion générale dans nos pays. Eh bien, je suis obligé de vous dire que l'opinion générale est fausse à cet égard, comme elle l'est à l'égard de bien d'autres choses concernant le Tibet. Le gouvernement du Tibet n'est pas une théocratie et ne l'a jamais été. D'après les définitions des dictionnaires, une théocratie, c'est une société où l'autorité est considérée comme émanant de Dieu et où elle est exercée par ses prêtres. Ainsi, une théocratie repose essentiellement sur la croyance en un Dieu. Quel Dieu ? Évidemment, un Dieu qui s'intéresse au gouvernement des hommes, qui non seulement s'intéresse aux faits et gestes des humains, mais qui a un pouvoir absolu sur eux, qui exige leur obéissance aux lois qui les dictent et qui impose ses lois par l'intermédiaire des prêtres qui sont ses chefs commissionnés. Cette conception nous est familière, mais les Tibétains n'en ont aucune idée. Notre conception d'un Dieu unique, éternel, omnipotent, qui dicte des lois aux hommes, leur est totalement étrangère. J'espère m'être exprimé suffisamment clairement pour vous montrer qu'il ne faut pas parler de théocratie à propos du Tibet. Alors nous voudrions au moins savoir qui gouverne réellement au Tibet. Et je sais là encore que la plupart des Occidentaux sont dans l'erreur. Vous êtes sans doute prête à me dire que le Dalai Lama est un autocrate. Oui, bien sûr, mais ne l'est-il pas? Oh, pas du tout! Dans la lignée des 13 Dalai Lamas qui s'était terminée par la mort de Ngawang Lobzon Tudengyatso en 1933, il ne s'est trouvé qu'un seul Dalai Lama qui a véritablement été un souverain autoritaire et puissant. C'est celui que l'on appelle le Grand Cinquième. Les autres ne furent que des marionnettes aux mains des politiciens de leur entourage. Exception doit être faite pourtant pour le 13e, que je viens de nommer, et que j'ai connu personnellement. Celui-là savait être opiniâtre et se faire craindre. En fait, il se montra d'une réelle férocité contre ses adversaires. Je me rappelle l'avoir vu en 1913, alors qu'il regagnait Lhasa, après que les Chinois en avaient été une fois de plus chassés dans cette espèce de jeu dont je vous ai parlé, où ils entrent et sortent pour entrer de nouveau. Il avait une physionomie dure, crispée, qui me faisait mal augurer pour le sort des proches Chinois qui étaient demeurés à Lhasa. Dans un précédent entretien, je vous ai donné quelques détails sur la répression sauvage qu'il avait ordonnée. Qu'espérait-il du départ des Chinois? Sans doute nourrissait-il l'illusion qu'étant débarrassé de la tutelle chinoise, il allait devenir omnipotent. Ah, il dut vite déchanter. Le représentant du gouvernement britannique l'avait aussitôt pris en main, et de façon plus serrée que les Chinois ne l'avaient jamais fait. Mais si le Dalai Lama n'est pas l'autocrate qu'on le suppose être, comment le gouvernement du Tibet est-il organisé? En vérité, il n'est pas organisé du tout. Il est chaotique. Le gouvernement central, celui qui siège à Lhasa, se heurte de tous côtés au reste de la féodalité qui a longtemps existé au Tibet. Et il s'en faut aussi que l'ensemble du territoire que nous appelons Tibet soit unifié. Le tableau que l'on en peut tracer des formes de gouvernement ne s'applique vraiment qu'aux provinces centrales. En principe, le gouvernement du Tibet à son plus haut échelon est représenté par 4 grands ministres, les chapés. Admirez la beauté du style oriental. Chapé signifie dont les pieds sont des lotus, ou qu'il y a des lotus en guise de pied. Imaginez-vous une séance du Palais Bourbon, un de nos députés s'adressant à un de ses collègues ministres et lui disant « Oh toi qui te tiens debout sur les lotus de tes pieds !» En fait, ce sont les chapés qui gouvernent le Tibet. Il y a à leur sujet un dicton populaire, « Les quatre chapés sont rois ». De ces 4 grands ministres, un seul possède un pouvoir réel. Les 3 autres ne font guère qu'office de conseiller. Notez que ces chapés sont des laïcs. En dessous de ce grand conseil existe un autre conseil, également composé de 4 membres. Enfin, le cabinet comprend en plus 4 grands secrétaires d'État, ceux-là sont des ecclésiastiques. Le gouvernement des provinces est délégué par pair à un couple composé d'un Dunkor, qui est un laïc, assisté d'un Tsidong, qui est un ecclésiastique. Il existe également une sorte d'assemblée consultative, à laquelle, en principe, les décisions du gouvernement doivent être soumises avant de recevoir exécution. Cette assemblée est tenue dans l'ombre et n'a guère d'influence sur les affaires du pays. Et surtout de questions concernant des pays étrangers, le Dalai Lama doit, encore une fois, en principe, prendre l'avis des 2 conseils de cabinet, le conseil supérieur et le conseil inférieur, et il doit aussi consulter l'assemblée qui comprend des membres de différentes régions du Tibet. Les rouages de cette organisation sont si compliqués, si enchevêtrés, que je ne puis vous les décrire en quelques mots. Le résultat le plus marquant de ce désordre a été jusqu'à présent qu'un premier ministre à poigne exerce seul l'autorité. Faute d'un homme énergique, capable d'imposer sa volonté, les intrigues suscitées par des questions d'intérêt se sont toujours données libre cours. Comme ailleurs, en Orient, ces intrigues s'accompagnent de spoliations et de meurtres. Et croyez-vous que les choses vont continuer de cette manière, ou bien supposez-vous qu'il y aura des changements dans la forme du gouvernement, en particulier la situation du Dalai Lama sera-t-elle modifiée? Ce que sera la condition du présent Dalai Lama, le 14e, à porter ce titre? Il est bien difficile de le prévoir. Tenez, une chose déjà, c'est que tout récemment, il a été décidé que les relations étrangères du Tibet seront entièrement confiées à la Chine. La situation politique du Tibet est d'ailleurs très instable. De ses prédécesseurs, de ce Dalai Lama, si on peut dire que leur condition était à peu près celle de roi constitutionnel, à défaut de constitution qui n'existe pas au Tibet. C'était les coutumes, les traditions et surtout l'autorité des ministres qui restreignaient la liberté d'action des Dalai Lama. Aujourd'hui, le Dalai Lama, débarrassé de l'ingérence britannique, aura à se plier en différentes matières aux décisions de la Chine qui veut la modernisation du Tibet. Jeune comme il l'est, né dans le milieu sino-tibétain de la frontière septentrionale et peut-être indifférent aux questions politiques, le nouveau Dalai Lama n'éprouvera probablement pas de difficulté à s'adapter à ces circonstances. Mais son entourage de ministres, de nobles et de membres du haut clergé peut trouver plus malaisé d'accepter certaines réformes désavantageuses pour leurs intérêts. Ces mécontents pourront chercher à faire exprimer leur ressentiment par le Dalai Lama. Peut-être le pousseront-ils à jouer le rôle dangereux d'instigateur d'opposition. Sera-t-il assez sage pour leur résister et pas pour ne pas compromettre la vie confortable et nonchalant qu'il peut mener dans son palais du Potala s'il se tient à l'écart de la politique? L'avenir nous renseignera sur ce sujet. Thank you. mais s'il n'est pas un autocrate temporel. Le Dalai Lama est pourtant une puissance spirituelle. Il est le pape des bouddhistes, dit-on. Oui, et là encore, ce que l'on dit est incorrect. Le Dalai Lama n'a rien de commun avec le pape des catholiques romains. Il n'a ni autorité spirituelle, ni pouvoir spirituel. Mais voilà ce qui contredit singulièrement toutes nos idées à son sujet. Et ni souverain absolu, ni pape des bouddhistes. Qu'est-ce donc alors que le Dalai Lama? Ah, je vais vous le dire. Il faut d'abord que je vous dise deux mots de la doctrine bouddhiste. La doctrine originelle, telle qu'elle a été enseignée par Siddhartha Gautama, qui porte le titre de Bouddha, cette doctrine nie l'existence d'un moi, d'un ego, en quoi que ce soit. Tout ce que nous voyons, individus ou choses, est un assemblage essentiellement transitoire d'éléments en perpétuel mouvement. Puisque cet assemblage n'a pas de noyau permanent, puisqu'il ne renferme pas de moi ou d'âme, comme on dit généralement dans nos pays, il ne peut pas être question d'une réincarnation de ce moi ou de cette âme après la mort du corps à laquelle ils étaient unis. Je ne puis pas m'étendre sur cette doctrine qui vient à en considérer tous les phénomènes comme les jeux d'énergie diverses. Vous vous imaginez bien que ces théories sont trop abstruses pour être à la portée du commun des bouddhistes. Ceux-là, eh bien, ils s'en tiennent à la croyance hindoue de la réincarnation, suivant laquelle le moi de l'individu change périodiquement son corps usé pour s'incarner dans un nouveau corps, et tout comme nous rejetons nos vêtements usés pour en vêtir de neuf. C'est là ce que croient les Tibétains. La majorité des Tibétains, oui. Mais les intellectuels, les lamas érudits, les grands contemplatifs ne partagent pas cette croyance. Alors, peu importe d'ailleurs pour ce que j'ai à vous expliquer. C'est la croyance à la réincarnation qui est l'origine de cette singulière noblesse ecclésiastique, les tulkus, ceux que les étrangers appellent très improprement des bouddhas vivants. Tulku signifie littéralement un corps magique. C'est, croient les Tibétains, le corps dans lequel s'est incarné un saint lama défunt. Il s'y est incarné pour conserver un lien avec le monde des hommes et pour y continuer une œuvre qu'il n'a pu achever au cours d'une seule vie. Le plus grand nombre des tulkus passe ainsi pour être le même individu qui poursuit sa vie en animant un nouveau corps après la mort du dernier de ceux qu'il a habité. Et ces lignées de tulkus peuvent ainsi se continuer pendant des siècles. Eh bien, le Dalai Lama est un tulku, le plus éminent des tulkus. Chaque nouveau Dalai Lama appelé à siéger à Lhasa est dit être son défunt prédécesseur et incarné qui revient prendre la place qu'il a abandonnée. Cette croyance donne quelquefois lieu à des incidents amusants. Il suffit pour cela que le Dalai Lama régnant ait l'esprit. On rapporte que l'un d'eux, voulant changer certaines dispositions d'un règlement, le grand secrétaire d'État lui remontra que l'article du règlement qu'il visait avait été édicté par son prédécesseur et que comme tel, il devait être respecté. Et qui est, s'il vous plaît, le présent Dalai Lama? Demanda le Dalai Lama d'un ton sévère. Et force fut au grand secrétaire d'État de répondre humblement. C'est vous-même, précieux protecteur. Alors, répondit le Dalai Lama, ce que j'ai décidé en certaines circonstances, je puis le changer lorsque je le juge opportun. Il n'y avait qu'à s'incliner. Mais il n'y a pas que les Dalai Lama qui transmigrent ainsi de corps en corps depuis plusieurs siècles. Ce ne suffirait pas à leur conférer l'énorme prestige dont ils jouissent au Tibet, car d'autres lamas tulkus transmigrent de la même façon, et les lignées de quelques-uns d'entre eux sont plus longues que la sienne. Il y a autre chose, il y a mieux. Quoi, mieux encore? Les Tibétains n'avaient pas assez de ce miracle, ils sont difficiles. Ah, nous voici au point. Savez-vous ce que sont les avatars dans la religion hindoue? Généralement, on traduit un terme avatar par incarnation. Mais il y a lieu de distinguer ceci. Un être, une déité, pourrait revêtir une nouvelle forme, c'est-à-dire transporter sa personnalité, son vrai moi, dans un autre corps. Alors, cette déité se trouverait tout entière dans cette nouvelle forme. Mais il n'y a rien de semblable dans le cas des Dalai Lama. Chez eux, il s'agit d'une sorte d'imprégnation, une personnalité très auguste, tout en demeurant elle-même, en n'émigrant pas hors de sa forme réelle, si on peut lui attribuer une forme. Cette personnalité communique quelque chose de sa substance aux Dalai Lama successifs. Ils en sont, comme je dis, imprégnés. Dans leur cas, cette personnalité auguste est le Bodhisattva Charisi. Je ne puis vous dire maintenant ce que c'est qu'un Bodhisattva et comment ce titre est appliqué à des êtres humains et aussi à des personnalités mythiques. Cela nous prendrait trop de temps pour le moment. Mais sachez que le Dalaï Lama imprégné de l'essence de Chariesi représente celui-ci sur la terre. Et c'est à cause de cette croyance des Tibétains que les Dalaï Lama sont l'objet du culte. Comment les Tibétains s'expliquent-ils le fait que, comme vous me l'avez raconté, le Dalaï Lama se montre parfois cruel? Mais les Tibétains ne s'expliquent rien du tout. Ils ne se posent pas la question. Oh, je n'aime pas votre sourire moqueur. Il a l'air de dire quels imbéciles que ces Tibétains. Eh bien, cher monsieur, j'admets qu'ils sont nigauds de ne pas s'apercevoir de la contradiction, mais il vous sera facile de voir, si vous bien vous en donnez la peine, que les gens de nos pays sont aussi peu clairvoyants à bien des points que les braves Tibétains, et qu'ils avalent nombre de contradictions sans paraître s'en émouvoir. Dalaï Lama. Il est l'objet d'une sorte de culte, vous ai-je dit. Mais cela ne lui confère pas le droit de légiférer en matière religieuse, de proclamer des dogmes, d'imposer aux Tibétains, et encore bien moins aux bouddhistes des autres pays, des articles de foi. Au Tibet, chacun croit ce qu'il veut. Il ne croit à rien du tout si telle est sa tournure d'esprit. Personne, aucune autorité ecclésiastique, le Dalaï Lama compris, n'a le droit d'imposer une croyance à aucun de ses sujets, qu'ils soient laïcs ou qu'ils appartiennent à l'ordre religieux. Vous voilà donc fixé. Le Dalaï Lama n'est point le souverain autocrate d'une théocratie. Le Dalaï Lama n'est ni le pape de tous les bouddhistes, ni le pape des bouddhistes du Tibet. Je suis peut-être fixé, comme vous le dites, mais je suis surtout stupéfait. Ce que vous me dites dérange tellement les idées que l'on se fait généralement du Tibet dans nos pays. Pourtant, je ne puis m'empêcher de me cramponner à quelques-unes de mes anciennes idées concernant le Tibet. Le Tibet est peuplé par d'innombrables moines. Sur ces religieux, le Dalaï Lama doit exercer son autorité. C'est lui, évidemment, qui édicte les règles qui les gouvernent dans les monastères. Soyez charitable, ne privez pas encore ce pauvre Dalaï Lama de ce privilège. Parlez-moi du clergé tibétain. Je puis le faire d'autant plus facilement que mes recherches au Tibet, comme dans l'Inde, se rapportaient aux doctrines philosophiques et religieuses qui existaient dans ces pays et que, par conséquent, elles m'amenaient à fréquenter des lamas. J'ai eu une connaissance de première main de la vie dans les monastères car j'ai habité pendant plusieurs années dans l'un des plus grands monastères du Tibet, le célèbre monastère de Kumbum. Mais comment pouviez-vous habiter dans un monastère? Il y a des femmes dans les monastères tibétains? Oh, il n'y en a pas. Mon cas était exceptionnel. Mais pour que vous puissiez comprendre comment, même à titre exceptionnel, il m'était possible de vivre dans un monastère habité par plusieurs milliers de moines, il y en a environ 3000 à Kumbum. Pour cela, vous devez savoir que les religieux tibétains ne vivent pas en communauté. Chacun d'eux a son domicile privé. Un monastère tibétain est semblable à une ville, ou un village, selon sa grandeur. Il est composé de bâtiments séparés, alignés le long d'avenues, de rues, de ruelles. Ces bâtiments sont d'abord le hall, dans lequel les membres du monastère se réunissent pour la lecture rituelle des écritures sacrées, ou pour diverses cérémonies. Dans les grands monastères, il y a en plus de ce grand hall, un hall séparé pour chacun des collèges universitaires. Le collège de philosophie, le collège de littérature sacrée, le collège de médecine et le collège de rituels et de magie. En plus, d'autres bâtiments abritent les bureaux de l'administration temporelle du monastère. Tous ces bâtiments sont officiels. Viennent ensuite les demeures privées des membres du monastère. Elles sont d'importance très différente. Il y a les palais des grands lamas, des tulkus dont je viens de vous parler. Certains de ceux-ci sont excessivement riches. Les biens des tulkus ne se divisent point et s'augmentent constamment. Le domicile de leurs confrères, riche et d'aspect plus modeste, mais encore très important. Et ainsi, par gradation descendante, on rencontre dans ces humbles maisonnettes, mais jamais aucun taudis. Du reste, ceux des religieux qui ne sont point propriétaires d'une maison louent un appartement ou une seule chambre dans la demeure d'un moine propriétaire. Ainsi, chacun vit chez soi, selon ses moyens. Je vous en ai dit assez pour vous faire comprendre que les religieux tibétains ne font pas vœu de pauvreté. Ils sont semblables en cela aux clergés séculiers de nos pays. Mais est-ce que les moines tibétains n'ont pas ce que nous appelons chez nous un directeur de conscience, un directeur spirituel, si vous voulez? Ah, je comprends bien. C'est là ce qu'on appelle dans l'Inde un gourou. Les tibétains emploient aussi ce terme, mais généralement ils disent mon lama. Le possessif mot indique qu'il s'agit d'un guide spirituel. Le rôle de ce guide spirituel ne consiste pas à apprendre des vérités à son disciple, ni à lui dicter les choses qu'il doit croire. Son rôle consiste à faire cultiver par son disciple les facultés de réflexion, de discrimination, qui le conduisent à découvrir lui-même la vérité. Mais ne vous imaginez pas que tous les autres d'un monastère ont un guide spirituel, c'est au contraire l'exception. Considérez le nombre vraiment extraordinaire de membres du clergé du Tibet. Le monastère de Dépon abrite une population qui d'ordinaire s'élève à plus de 10 000 moines. Les monastères de Serra à Lhasa et celui de Gadin près de Lhasa comptent chacun entre 5 000 et 7 000 membres. Kumbung, où j'ai vécu, en avait 3 000. Et notez qu'il y a des monastères de tous les côtés du Tibet. Il n'est pas possible, n'est-ce pas, de croire que cette masse considérable d'individus ne comprennent que des intellectuels ou des mystiques préoccupés d'assurer leur salut spirituel. Oh, croire serait absurde. La majorité du clergé est donc composée d'hommes en général très ignorants et dont les préoccupations sont d'ordre purement matériel. Presque tous ont été destinés à l'état ecclésiastique par leurs parents. Ceux-ci les ont conduits dans un monastère vers l'âge de 8 ans. Certains des membres du monastère y sont pourtant entrés à l'âge adulte et leur motif a le plus souvent été le désir d'échapper au paiement des impôts qui pèsent lourdement sur les Tibétains du peuple. Jusqu'à présent, les membres du clergé étaient exempts d'impôts. Et cela vient d'être changé. Et l'on peut imaginer le mécontentement des moines à cet égard. Et on peut se demander ce que font ces gamins en bas âge dans un monastère. Et c'est très simple. Les parents de l'enfant le confient à un maître. Si les parents ont quelqu'un de leur famille parmi les moines, c'est à lui qu'ils confient le garçon. Sinon, ils choisissent un moine de leurs amis ou l'ami d'un de leurs amis. Les parents appartenant aux classes sociales supérieures, les nobles, ou ceux qui ont de la fortune, ils peuvent payer la pension de leur fils. Ceux-là s'adressent à un religieux connu comme étant érudit. Les novices pauvres, faute de pouvoir payer pension, servent de domestiques à leur maître. Dans les intervalles entre les besognes dont ils sont chargés, le maître leur apprend à lire. À apprendre à lire. Savoir lire signifie au Tibet, surtout dans les monastères, quelque chose de très différent de ce que nous entendons par savoir lire. Vous m'intriguez vraiment. Est-ce qu'il y a plusieurs façons de savoir lire ? Dites-moi ce qu'est la façon du Tibet, je vous prie. Je suis curieux de la connaître. Et voilà. Le garçon apprend d'abord à reconnaître les formes des lettres de l'alphabet tibétain et les différentes façons dont on les combine entre elles. Ah, c'est assez compliqué. Dans la grammaire tibétaine que j'ai composée à l'usage des Français désirant prendre le tibétain, les tableaux représentant ces formes calligraphiques enchevêtrées tiennent trois grandes pages. Quand un gamin est capable de reconnaître ces lettres et leurs combinaisons et de les nommer avec les sons qu'elles représentent, il apprend à assembler les syllabes. Et tout ça lui prend d'ordinaire plusieurs années. Mais comprend-il ce qu'il lit? Le sens de ce qu'il lit? Demandez-vous, mais il ne comprend pas. Et la plupart des moines ne le comprendront jamais. La majorité des moines qui assis dans le rôle des assemblées psalmodies des textes sacrés, un livre posé sur leurs genoux, ne fait qu'émettre les sons des syllabes, sans savoir le moins du monde qu'ils forment des mots et que ces mots ont une signification. Yeah. les garçons studieux, ceux qui sont les mieux doués, ceux qui appartiennent à des familles riches, ou ceux qui, de naissance, sont des tulpous, reçoivent une éducation supérieure auprès de maîtres instruits. Ils peuvent ensuite entrer dans l'un des quatre collèges universitaires que je viens de vous nommer, et ces collèges existent dans tous les grands monastères. Les jeunes membres de petits monastères où ces collèges n'existent pas vont étudier dans ceux d'un autre monastère. Ils peuvent y concourir pour des grades universitaires, des sortes de doctorats dont il existe plusieurs degrés. Le menu fratin des moines, quelque peu aisé, fait du commerce ou pratique une profession, tailleur, cordonnier, etc. Les pauvres, qui n'ont aucune aptitude spéciale, se font domestiques de collègues riches, étant employés comme cuisiniers, valets de chambre et palefreniers. Et pendant mes voyages au Tibet, tous mes domestiques étaient des membres du clergé. Vous pouvez imaginer le monde hétéroclite que forme ainsi cet assemblage d'hommes qui se trouvent souvent involontairement groupés, d'autres fois, qui le sont pour des motifs des plus matériels. On cite à ce sujet l'opinion exprimée par Thirinpoche. Oh, Thirinpoche, c'est le titre que porte le dignitaire ecclésiastique qui a été élu comme le plus docte de tous les docteurs en philosophie du Tibet. Certains paraissent considérer le nombre très grand des membres du clergé au Tibet comme un signe de l'état florissant de la religion. Mais je ne suis pas de cet avis, bien au contraire. Je pense qu'il serait mieux de posséder quelques diamants précieux qu'un monceau de cailloux et de fragments de briques. Il ne manquait pas de bon sens, cet érudit. Cela prouve qu'il y a tout de même quelques diamants dans les monastères tibétains. On en rencontre un bon nombre. Mais même un bon nombre, ça n'a fait pas un grand pourcentage dans une population de 7 à 10 000 individus, comme dans certains monastères. Ne pourriez-vous pas encore me dire, en quelques mots, comment vous viviez dans le monastère de Kumbum? J'y vivais comme y vivent les lamas aisés. Je vous ai dit que dans les monastères, on ne vit pas en communauté. Chacun a son domicile privé, et j'avais le mien. Une maison dans une cour enclose par des murs qui contenait le logement des domestiques et les curés. Je passais la majeure partie du temps à étudier des textes tibétains et parfois je parcourais les environs. C'est pour cela que je gardais des chevaux dans mon écurie. Je n'ai pas toujours voyagé en mendiante. Et tenez, pour en revenir à la question de l'occupation du Tibet par les Chinois, que l'on a présentée comme une nouveauté, j'ai là, dans une petite feuille intitulée « Digeste », qui est d'origine visiblement américaine, il y est dit que les Chinois s'efforcent maintenant d'organiser le Chingé, la région nord du Tibet, comme un État indépendant, et cela pour le séparer du gouvernement de Lhasa. Or, le Chingé, qui est une partie de la province d'Amdo, n'a jamais été sous l'autorité civile de Lhasa. Du temps où j'habitais Kumbum, vers 1918, le général chinois commandant à la frontière gouvernait toute cette région. C'est lui qui m'avait pourvu d'un domicile à Kumbum, dont les lamas étaient ses administrés. Eh bien, cette région, c'est le pays natal du présent Dalai Lama, qui est né sujet chinois. Il en est de même du Panchen Lama actuel. Ceci ne veut pas dire que les Tibétains de cette région chinoise et les autorités chinoises ont toujours vécu en bon accord. J'ai raconté dans mon livre « Au pays des brigands gentilshommes » le drame de la révolte des paysans de Labran, instigée par les lamas du grand monastère de Labran, et l'incendie du monastère d'Amcho, dont tous les lamas périrent dans les flammes. Il n'y avait là que des épisodes d'un drame qui a débuté dans ces régions il y a 20 siècles, qu'il pourrait se poursuivre encore là comme ailleurs, sur la terre, par la stupidité des hommes, et qui nous prépare peut-être du bien plus terrible drame. C'était « Le Tibet tel que je l'ai vu ». Michel Manol a interrogé Alexandra David-Nel. Montage radiophonique, Harold Portnoy. C'était « Le Tibet tel que je l'ai vu » avec Alexandra David-Nel sur la radio-télévision française chaîne nationale en 1954-1955. Une série en 9 épisodes dont vous venez d'écouter les deux premières émissions, diffusées le 27 décembre 1954 et le 3 janvier 1955.